Chapitre 3e, Michaud, père et fils. Fils de paysan, nous l'avons dit, Jacques Michaud était destiné par sa naissance au dur métier de laboureur. Mais son père était à ce point chargé de famille que Jacques chercha fortune ailleurs. Ancien oncle, qui était ailleurs à Lodève et qui l'avait pris en affection, lui ayant offert de lui enseigner son état, Jacques accepta. À la mort de cet oncle, il prit à son compte le fonds que le brave homme lui avait laissé. Mais il faut bien croire que la clientèle ne foisonnait guère, on ne payait pas très régulièrement, car Jacques se décida à quitter Lodève. Il avait pourtant 50 ans alors et touchait à cette période de la vie où l'on aspire à jouir en repos de l'aisance qu'on a péniblement acquise. Aussi arriva-t-il à Paris en assez piteux équipage, au commencement de septembre 1700, avec sa femme et son fils. Mais afin de jeter un peu de poudre aux yeux, il loua, rue Quincampoix, la plus belle boutique qu'il put trouver, surmontée d'un très modeste logement. Après l'avoir achalandé des étoffes les plus soyeuses et y avoir englouti, disait-il, toutes ses économies, Michaud attendit patiemment la clientèle. Or, elle ne se pressait guère d'accourir, puisque, 2 mois après, il se creusait vainement la tête pour imaginer un moyen de la faire venir. Non pas que le brave homme eût conçu pour son propre compte des ambitions ridicules, mais il avait un fils alors âgé de 2 ans au plus, qu'il aimait d'une affection sans bornes, et pour l'avenir duquel il était prêt à tout entreprendre. Précisément, en même temps que lui, la mère de Jacques avait nourri le rejeton d'une noble famille dont le château confinait au petit bien des Michaud. Cet enfant se nommait André Hercule de Fleury. Pendant 14 mois, les 2 mioches avaient sucé le même lait. Puis le jeune André était rentré au château de Fleury, où ses parents le gardèrent définitivement, après avoir généreusement récompensé sa nourrice des bons soins qu'elle lui avait prodigués. Toutes relations ne furent d'ailleurs pas rompues entre le château et la chaumière. De l'un à l'autre, on allait sans cesse, de sorte que, sans grandir côte à côte, les 2 frères de lait ne se perdirent pas de vue et ne cessèrent de vivre en assez grande familiarité. André témoigna à Jacques beaucoup d'amitié, le comblait de petits cadeaux et le gardait régulièrement à dîner ou à souper chaque fois qu'il recevait sa visite. Ils atteignirent ainsi l'âge de 18 ans. À cette époque, André annonça à son frère de lait qu'il allait entrer dans les ordres, lui fit de touchants adieux et lui glissa dans la main une bourse qui contenait 50 louis. « Surtout ne le dis à personne, » recommanda-t-il. « Ce sont mes petites économies et, comme je n'en ai plus besoin, j'ai tenu à te les donner dans l'idée qu'elles te porteront bonheur. » Jacques versa 2 grosses larmes et s'éloigna. Peut-être fut-ce cette séparation qui le décida à quitter ses parents et à accepter l'offre que lui faisait son oncle de le prendre en apprentissage. Tandis qu'André de Fleury entrait au collège de Clermont, pour passer bientôt au collège d'Harcourt et continuer à Paris ses brillantes études, Jacques, les jambes croisées sur son établi, apprenait son nouvel état et finissait par devenir un excellent ouvrier. Les années passèrent. Les 2 frères de lait, suivant chacun la voie que le hasard de la naissance leur avait tracée, n'avaient plus ensemble rien de commun que les souvenirs de leur jeunesse. Encore ces souvenirs commençaient-ils à s'effacer singulièrement à mesure qu'ils avançaient en âge. Pour sa part, Jacques avait complètement renoncé à revoir André, dont les parents étaient morts, dont les biens avaient été vendus, que rien par conséquent ne rattachait plus au pays dans lequel il était né. Cependant, en 1699, un gentilhomme des environs qui arrivait de Paris en droite ligne et que Michaud avait l'honneur d'habiller lui apporta des nouvelles toutes fraîches de l'abbé Fleury. Il s'était distingué de bonne heure par son goût pour le travail, doué d'un grand esprit de conduite, d'une volonté et d'une persévérance que rien ne pouvait lasser. Il avait par sa modération et l'austérité de ses mœurs conquis l'estime de Louis XIV, qui venait de lui donner l'évêché de Fréjus. Ce cadeau splendide avait permis au prélat de monter sa maison, puisque sans être astreint à séjourner continuellement dans son nouveau diocèse, il n'en touchait pas moins les revenus princiers. Il ne faudra donc pas jurer que ces précieux renseignements ne furent pas un des motifs qui déterminèrent Michaud, l'année suivante, à quitter Lodève pour aller se fixer à Paris. En effet, dès que son installation y fut terminée, quand il s'aperçut que la pratique n'assiégeait pas la porte de sa boutique, la première pensée de Michaud fut d'aller trouver l'évêque et de lui demander sa protection. Mais André se souviendrait-il de Jacques? Ne rougirait-il pas de lui? le recevrait-il avec la même cordialité qu'autrefois? Michaud hésita longtemps. Cependant, il n'avait pas perdu tout son temps depuis son arrivée. Il avait appris que M. de Fleury habitait rue Croix des Petits Champs, un hôtel tout neuf et de fort coquette apparence. On lui avait confirmé de toutes parts les renseignements que son ancien client lui avait apportés de Paris l'année précédente. L'évêque de Fréjus était fort bien en cour et deviendrait certainement un personnage. Un beau jour, Michaud prit une résolution héroïque et se dirigea vers la rue Croix des Petits Champs. Au moment de franchir le seuil de la maison qu'on lui indiqua, il ressentit le même serrement de cœur qu'il avait couru au devant d'un gros danger. Cependant, il n'était pas venu là pour rester quoi devant cette porte close. Quoique sa main tremblât bien fort, il eut la hardiesse de soulever le lourd marteau de fer et ne put réprimer un frisson quand il entendit retentir sourdement les échos de la voûte sonore. Aussitôt, la porte s'ouvrit. Courageusement, il entra. Conformément au proverbe, qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, Jacques ne brillait ni par l'élégance ni par la richesse de son costume. À peine débarqué du coche qu'il avait amené de l'Odève, il ne connaissait pas encore son Paris et, pour le moment d'ailleurs, en était réduit à vivre avec la plus stricte économie. En le voyant ainsi accoutré, moitié campagnard et moitié bourgeois, le laquais qui le reçut lui demanda assez impertinemment ce qu'il voulait. « Je désirais parler Monseigneur l'évêque de Fréjus, » répondit Michaud. « Est-il chez lui ?»« Oui, mais je ne sais pas s'il aura le temps de vous recevoir. Qui êtes-vous »« Jacques Michaud, de l'Odève, le frère de lait de M. de Fleury, » fit Michaud, qui n'était pas fâché de faire valoir ses titres auprès de l'insolent valet. Celui-ci devint en effet tout à coup beaucoup moins arrogant. Il daigna offrir du geste une chaise au tailleur. « Veuillez vous asseoir, je vais prévenir Monseigneur. » Jacques n'attendit pas longtemps. Au bout d'une minute, le laquais revint, plat, obséquieux, s'inclinant plus bas que terre devant le pauvre Michaud. C'est que l'évêque de Fréjus, en entendant prononcer le nom de son frère de lait, s'était écrié joyeusement « Comment, Michaud ici, qu'il entre ?» Lorsque Jacques pénétra dans le cabinet sévère du prélat, il fut vivement impressionné par sa robe violette, son visage pâle et amaigri, sur lequel ses longues études avaient creusé déjà des plis profonds. Il se remit pourtant bien vite et son cœur s'ensoleilla quand il vit Monseigneur venir à lui les mains tendues. Il avait donc eu tort de trembler. Son frère de lait ne l'avait donc pas oublié. Il consentirait donc à lui accorder sa protection. « Et quoi ?» dit le prélat en lui serrant la main avec l'effusion d'autrefois. « Te voilà donc à Paris ? Ah ça ! Que diantre y viens-tu faire ?» Michaud lui raconta comment, n'ayant pas réussi à l'Odève, il avait eu l'idée de partir pour Paris où il venait de s'installer rue Quincampoix avec sa femme et son fils. « Comment, tu as donc un fils ?» demanda l'évêque étonné. « Oui, monseigneur. » « C'est drôle. Je me suis souvent informé de toi. Je te savais marié depuis longtemps, mais on ne m'avait pas dit que tu eusses un enfant. »« Ah, c'est qu'il n'y a pas bien longtemps, monseigneur, » balbutia Jacques. « Vraiment ? Quel âge a-t-il donc, ton fils ?»« Pas tout à fait 2 ans, monseigneur, » répondit Michaud avec embarras. « Eh bien, mais tu n'as pas besoin de rougir pour cela, grand niais, » dit Fleury en riant. « Quand on se marie, c'est pour avoir des enfants. Et si Dieu t'a refusé longtemps cette grâce, j'espère que tu l'as remercié de tout ton cœur d'avoir exaucé tes désirs. À un âge où d'ordinaire on ne compte plus guère sur de semblables bienfaits. Ah, je vous en réponds, monseigneur, que j'ai remercié Dieu, » répondit Michaud avec une joie sincère. Il a réalisé le rêve de toute ma vie. En effet, je te retrouve aussi solide et presque aussi vert que je t'ai laissé, » fit l'évêque. Ainsi, c'est depuis la naissance de cet enfant que le désir t'est venu de faire fortune. Beaucoup pour lui et un peu pour nous, oui, monseigneur, car nous avons dépensé, Marguerite et moi, tout ce que nous possédions pour meubler notre petit logement et achalander notre magasin. Malheureusement, la pratique se fait un peu tirer l'oreille. Quoique je puisse m'en vanter, j'ai la plus belle boutique de tout le quartier. Et alors, que désires-tu ? Que je te vienne en aide ? Je ne demande pas mieux, dit Fleury. Mais de quelle façon ? Ce n'est pas ma clientèle, et celle de ma pauvre petite maison qui te fera vivre, mon garçon. C'est vrai, monseigneur, mais ce serait toujours un grand honneur pour moi, répliqua Michaud, et reprit-il après un court silence, si vous voulez bien me recommander à vos amis. Très volontiers, fit le prélat avec empressement. On m'affirmait, ajouta timidement le tailleur, que vous étiez tout à fait dans les bonnes grâces de Sa Majesté. peste, comme tu y vas !» s'écria l'évêque en riant. « Tu voudrais habiller le roi. Toi, qui arrive de l'Odève, il y a combien de temps ?»« 2 mois au plus, monseigneur. Mais avec un coupeur de premier ordre et des ouvriers de choix, j'habillerai au besoin à sa majesté tout aussi bien qu'un autre. »« Tu crois ?» demanda le prélat, sans paraître convaincu. « J'en suis certain, monseigneur, il ne s'agit que d'y mettre le prix. » « Eh bien, mon bon Jacques, j'essaierai d'en parler au roi, je te le promets. »« Bien vrai ?» fit Michaud, dont les yeux noirs brillaient comme des escarboucles. « Je te le jure, es-tu content ?»« Ah, mon cher André. »« Oh, pardon, monseigneur. Vous me demandez si je suis content. Vous ne voyez donc pas que j'en perds la tête ?»« Allons, c'est dit, » ajouta Fleury avec bonté. « Et si je réussis, je veux moi-même t'en aller porter la nouvelle. » À ces mots, il le congédia et le reconduisit jusque sur l'escalier, au grand ébahissement du laquais qu'il avait si dédaigneusement accueilli. 15 jours se passèrent pendant lesquels Michaud s'était enquis des meilleurs ouvriers, s'était abouché avec eux et avait obtenu leur concours moyennant une faible augmentation de salaire. C'était son dernier sacrifice. Aussi commençait-il à désespérer quand une chaise s'arrêta devant sa porte. Il accourut, c'était Fleury en personne, vêtu d'une magnifique soutane violette, presque en tenue de gala, qui venait lui rendre visite ainsi qu'il s'y était engagé. Ce fut une véritable révolution dans le quartier. Tous les voisins étaient sur leurs portes et commentaient ce fait extraordinaire. « Mon brave Michaud, » dit l'évêque, « je n'ai pas obtenu tout à fait pour toi ce que j'aurais voulu. Le roi a ses fournisseurs dont il est satisfait et qu'il ne veut pas quitter, mais il m'a remis pour toi ce brevet, qui te donne à présent le titre de fournisseur de sa maison, et en vertu duquel tu peux te présenter à la cour aujourd'hui même pour y prendre les instructions nécessaires. » Michaud bondit de joie. Quoique lui promit Fleury, il n'avait jamais tant espéré, car ce titre de fournisseur de la maison du roi multipliait à l'infini la clientèle qu'il lui assurait. Ce titre, il allait le faire peindre en belles lettres d'or sur la devanture de sa boutique, afin de bien savoir à tout le monde que nul autre n'avait le droit de s'emparer. Jacques se eut trouvé pour remercier le prélat des paroles réellement émues. L'évêque, de son côté, certain qu'il ne venait pas d'obliger un ingrat, se retira enchanté. Il lui adressa, en le quittant, les plus sages recommandations, stimula son amour-propre et lui fit comprendre que son intérêt était de se distinguer. Il n'était pas douteux, en effet, que tous les gentilshommes qui, de près ou de loin, étaient attachés à la personne de Sa Majesté, tiendraient à honneur de se servir chez le nouveau fournisseur de la maison royale. Michaud le sentait si bien qu'il avait pris déjà ses précautions. Il fit de ses débuts une véritable question de vie ou de mort, et accomplit de telles merveilles qu'au bout d'un an, il avait acquis une réputation sans rivale et que l'argent affluait dans sa caisse avec autant d'abondance qu'il avait mis jusqu'ici d'obstination à n'y point entrer. Avec les années, les bénéfices ne firent que s'accroître dans des proportions tellement inattendues que Michaud se réveillait en 1715 à la tête de 100 000 écus et songeait sérieusement cette fois à se retirer des affaires. Il ne s'agissait pour lui que de trouver un acquéreur solvable et capable de soutenir la réputation de la maison qu'il avait créée. Michaud s'en occupa activement, mais se montra tellement exigeant sur le choix de son successeur que l'année 1716 arriva sans qu'il eût découvert personne qu'il jugea digne de le remplacer. Le pauvre homme s'en désolait. Il était bien loin de soupçonner que ses indécisions allaient devenir pour lui la source d'une nouvelle fortune et qu'il s'estimerait fort heureux un jour de n'avoir pas vendu son fonds. Ce fut en 1716, en effet, que Las fonda, rue Quincampoix, à 2 pas du magasin de Michaud, cette fameuse banque dont il a été tant parlé, que ce serait faire injure à nos lecteurs d'en raconter ici l'origine et les péripéties. Comme Philippe d'Orléans, comme tout le monde, Michaud s'angoissa du système de l'Écossais et devint idolâtre de ce qu'on appelait alors le dieu papier. Il y plaça toutes ses économies, et comme il était mieux en position que tout autre pour profiter des moindres avantages, il se trouva, dès le principe, à la tête de 600 actions de 500 livres, lesquelles atteignirent au bout d'un an le chiffre fantastique de 20 000 livres chacune. Fleury, qui continua à lui témoigner une extrême bienveillance, avait essayé vainement d'arrêter Michaud sur la pente qui l'emportait. Cet esprit sage et froid avait pressenti les conséquences que le système de Las allait entraîner, du moment qu'on ne s'en tenait pas aux prudentes mesures qui avaient présidé à sa création. En effet, à mesure que l'Écossais n'avait plus d'actions à placer, il en créait de nouvelles, doublant, triplant, décuplant étourdiment en papier la valeur du numéraire qu'il encaissait. À la première panique, une telle imprévoyance devait évidemment amener un désastre. Michaud, qui d'abord avait fait la sourde oreille, commença à réfléchir le jour où, ses actions ayant atteint le chiffre énorme de 20 000 livres, il put réaliser les 12 millions qu'elles représentaient au cours actuel. Mettant à profit l'engouement inconcevable qui s'était emparé de la France entière, il vendit ses actions, et comme il était défendu sous les peines les plus sévères de conserver chez soi plus d'une certaine somme de numéraire, il acheta, à vil prix, les maisons et les propriétés que chacun vendait à l'envi pour se procurer ses merveilleuses actions. D'ailleurs, son magasin était devenu pour lui la source d'une autre fortune. L'histoire des spéculations effrénées dont la rue Quincampoix fut le théâtre à cette époque n'est un mystère pour personne. C'était là que se faisaient toutes les transactions. Une chambre se louait 50 francs par jour. Un bossu eut l'esprit de gagner 50 000 écus rien qu'à prêter sa bosse pour y signer des transferts. Le magasin de Michaud était donc assiégé par sa clientèle et aussi par cette foule aveugle qui se disputait le bienheureux papier. Chacun y payait naturellement un droit exorbitant, de sorte que sa boutique de tailleur s'était transformée en un bureau de vente et d'achat qui lui rapportait jusqu'à 3 000 livres par jour. C'était de la démence, on le sait. Michaud en profita encore. Depuis qu'il avait réalisé, il jouait à la baisse avec les capitaux qu'il avait conservés, si bien qu'au bout de 4 ans, lorsqu'en décembre 1720 la banque de Las s'écroula avec un formidable fracas, le petit tailleur de Lodève se retrouva debout avec la somme fabuleuse de 22 millions qui représentait alors hardiment 100 millions de notre monnaie. Il est inutile d'ajouter qu'il abandonna son métier pour s'occuper exclusivement de son fils, qu'il aimait d'une affection sans bornes. En effet, Michaud avait perdu sa femme en 1710 et demeurait seul avec son fils, alors âgé de 11 ans, et auquel, à mesure que ses affaires avaient prospéré, il avait fait donner une éducation de premier ordre. Que deviendrait Jean plus tard? Michaud ne s'en doutait pas encore, mais il voulait le mettre en état d'embrasser toutes les carrières. Pour atteindre ce but, rien ne lui coûta. Aussi désireux de développer en lui le corps que l'intelligence, il lui donna tous les professeurs et les meilleurs qu'on lui indiqua. L'escrime et l'équitation tinrent dans l'éducation de Jean une place au moins aussi grande que l'histoire et les lettres. C'était du reste un terrain facile qu'on ensemençait. Non seulement l'enfant était intelligent et doué d'une mémoire prodigieuse, mais encore il avait une souplesse, une vivacité, une élégance native qui lui permettait de supporter sans fatigue les exercices les plus violents. Pourtant Jean n'avait rien de la taille élevée et de l'ossature puissante de son père, ni de la grâce mièvre et quelque peu souffroteuse de sa défunte mère. À 16 ans, c'était un garçon de taille ordinaire, d'apparence un peu délicate même, aux attaches fines, aux extrémités petites, mais dont les membres, admirablement proportionnés, avaient acquis une vigueur peu commune et une résistance aussi métallique que l'acier. Fleury avait manifesté le désir de voir cet enfant dont Michaud lui chantait les louanges à tout propos. Il s'imaginait que le pauvre père exagérait par un aveuglement bien excusable les qualités dont ce petit bonhomme était pourvu. Il fut émerveillé de lui trouver si bonne mine et si excellente tenue, bien que l'enfant n'eût pas plus de 12 ans quand il fut présenté pour la première fois au cardinal, car Fleury avait grandi lui aussi. Il avait reçu la barrette et assisté quelquefois déjà au conseil du roi. Quand il aperçut Jean, il s'extasia. « Ah ça !» dit-il à Michaud. « Comment t'y as-tu pris pour faire cette petite perfection ?» Jacques rougit et ne répondit pas. Fleury attira l'enfant à lui, le caressa, l'interrogea, et fut stupéfait de l'intelligence, de la netteté et de la présence d'esprit avec lesquelles il répondait à toutes les questions. « Bravo, tous mes compliments, mon cher Jacques. Nous en ferons quelque chose de cet enfant-là. » Depuis cette époque, Michaud n'alla jamais chez le cardinal sans lui amener son fils, à qui Fleury témoignait de plus en plus d'amitié. Lorsque mourut Louis XIV en septembre 1715, confiant au cardinal Fleury l'éducation du nouveau roi, Michaud ne manqua pas d'aller féliciter son frère de lait en compagnie de Jean, qui venait d'atteindre sa 16e année. « Je sais, dit Jean, que nous devons aux bontés de votre éminence le bien-être dont nous jouissons. Mon père me l'a répété si souvent que mon cœur en sera éternellement pénétré de reconnaissance. Votre éminence me permettra donc de me réjouir également de l'honneur qui rejaillit sur elle. si peu de titres que nous ayons à y prendre part, nous ne saurions éprouver de joie plus grande que de voir si justement récompensée la sagesse et les vertus dont votre éminence a donné l'exemple. Le compliment n'était pas trop mal tourné. Il était dit surtout d'une voix si sincèrement émue que le cardinal en fut touché. « Merci, mon cher enfant, » répondit-il, en l'embrassant sur les deux joues. « Vous êtes un brave garçon à qui je m'intéresse au moins autant qu'à votre père, et je ferai tout mon possible pour vous en donner bientôt la preuve. » Fleury tint cette fois bien au-delà de ce qu'avait espéré Michaud. Un mois après, Jean était admis au nombre des pages du jeune roi. Le pauvre tailleur exultait de joie et d'orgueil. Ceci se passait à la fin de 1715, alors que Michaud ne possédait rien au-delà des 100 000 écus qu'il avait gagnés en 17 ans dans son commerce. La faveur dont son fils était l'objet dépassait tout ce que son ambition de père avait rêvé. Ce n'était pas en effet sans de grandes difficultés que le précepteur de Louis XV était arrivé à ce résultat. Son jeune élève n'avait pas encore 7 ans. Il n'était donc pas en état de manifester assez ouvertement sa volonté pour qu'elle l'emportât sur les décisions de son entourage. Or, quand on avait appris que Fleury sollicitait pour Jean Michaud, fils du tailleur de la maison du roi, ce poste de page que se disputaient les rejetons de la plus vieille noblesse française, on avait poussé les hauts cris. Eh quoi ! Le fils d'un tailleur parmi tous ces gentilshommes de haute roche ? C'était inadmissible. C'était introduire une brebis galeuse dans l'arche sainte. On essaya de le faire entendre à Fleury, qui ne se déconcerta pas pour si peu. Il répondit que le roi avait le droit de choisir ses serviteurs partout où bon lui semblait, qu'il connaissait personnellement Jean Michaud, qu'il répondait de lui, et que sous le rapport de la conduite et du dévouement à sa majesté, il n'était pas possible de faire un meilleur choix. On essaya de lui résister pendant 15 jours, mais l'influence que le cardinal prenait d'heure en heure sur l'esprit du jeune roi, celle qu'il avait acquise par son propre mérite, lui donnait une telle autorité que la résistance faiblit peu à peu. Pour les esprits clairvoyants, il était évident que tôt ou tard Fleury deviendrait premier ministre, que sa nomination serait sans doute le premier acte de souveraineté du jeune roi dès qu'il aurait atteint sa majorité. Et comme c'était le 16 février 1723, c'est-à-dire dans 7 ans à peine, que Louis XV commencerait à régner, d'ores et déjà il était prudent de ne pas mécontenter l'homme qui deviendrait alors le dispensateur de toutes les grâces. Fleury ne rencontra donc plus d'obstacles. Il fit aussitôt expédier le brevet au nom de son protégé et se chargea lui-même de le faire signer par le régent. Philippe d'Orléans fut d'abord très étonné de voir figurer sur ce parchemin le nom plus que plébéien de Jean Michaud. Il demanda des explications que Fleury lui fournit avec sa bonne grâce et son sang-froid accoutumé. Il aimait cet enfant, il l'avait vu grandir, il le considérait presque comme faisant partie de sa famille. Il avait promis de le pousser. Il désirait tenir sa parole et surtout le rapprocher de sa personne. Le régent sourit, un peu dédaigneusement, il faut bien en convenir. « Ma foi, monsieur le cardinal, si ce n'était pas vous qui me le demandiez, et si ce n'était pas la première fois que vous me demandez quelque chose, je refuserais assurément de donner suite à cette requête. Mais je ne ferai pas cette injure à un personnage de votre valeur. » En disant ces mots, il lui tendit le parchemin, au bas duquel il avait apposé son nom. « Voici donc votre brevet signé, » reprit-il, « mais je n'entends être responsable en aucune façon des suites de cette inconséquence. »« Que votre Altesse se rassure, » répondit Fleury. « J'espère qu'il ne résultera de cette haute faveur rien de fâcheux pour nous, ni pour mon protégé. » Le lendemain, Jean Michaud, très élégamment vêtu, fut présenté aux pages de Sa Majesté, qui l'accueillirent avec une froideur hautaine. Il s'y attendait, et ne fit pas semblant de s'en apercevoir. Désireux avant tout de ne pas mécontenter son protecteur, et bien que son amour-propre souffrit beaucoup des 1000 petits coups d'épingle que ses camarades lui enfonçaient dans la chair, Jean s'attacha surtout à remplir consciencieusement son service. Il s'en acquitta si habilement que le jeune roi le remarqua et lui témoigna une préférence marquée chaque fois que l'occasion s'en présenta. En même temps, éclatait à chaque instant la supériorité du nouveau page sur tous ses rivaux. L'éducation que son père lui avait fait donner commençait à porter ses fruits. Au manège, sur la planche de la salle d'escrime, sur les questions d'histoire, de géographie ou de littérature, Jean l'emportait de si haut sur ses camarades que le premier, il s'étonnait de leur ignorance. Cette supériorité incontestable, sa douceur, son humeur égale, le tact avec lequel il s'effaçait lui-même, lui attirèrent peu à peu l'estime et le respect de ces jeunes gentilshommes, mais ne parvinrent jamais à lui concilier leur amitié. L'un d'eux, le comte de Broissac, se montrait surtout impitoyablement hostile. À la suite d'une violente altercation, Jean le provoqua. Le comte répondit avec mépris qu'il ne savait pas manier l'aune et ne pouvait pas se mesurer avec le fils d'un tailleur. Jean menaça de les contraindre par la violence. Le comte l'en défia. Jean lui jeta son gant au visage. Monsieur de Broissac tira son épée et se précipita sur son adversaire. Mais Michaud, qui s'attendait à cette surprise, rompit vivement et tomba en garde avant que le gentilhomme eût pu l'atteindre. Monsieur de Broissac, furieux, jeta son épée avec colère et se croisa les bras. « Vous pouvez m'assassiner. C'est une besogne que vos ancêtres ont déjà peut-être exercée sur les grands chemins. »« Vous vous trompez, monsieur le comte, » répondit Jean. « Dans ma famille, on n'a jamais assassiné personne. Pas plus qu'on a gardé sur la joue le soufflet que vous venez de recevoir. » Monsieur de Broissac sortit, exaspéré, et alla porter plainte à l'officier qui les commandait. Celui-ci fit aussitôt une enquête. Très loyalement, tous les pages donnèrent raison à Jean et reconnurent qu'il avait fait preuve d'un grand sang-froid et d'une extrême modération. Aussi, ce fut le jeune comte qui fut renvoyé dans sa famille afin que le châtiment servît d'exemple en cas de nouvelles incartades. Les pages, en effet, se montrèrent à l'avenir plus traitables envers Jean. Ce fut même à cette époque que, pour ne pas l'appeler d'un nom qu'il leur répugnait de prononcer, et ils lui donnèrent familièrement celui de Vif-Argent, en raison de sa vivacité et de son incomparable agilité. Parmi tous ces écervelés, un seul, le comte de Montbazin, séduit par les allures franches et le caractère loyal de Jean Michaud, fit bon marché des prérogatives de la naissance et le couvrit ouvertement de son amitié. Ce fut certainement Julien, qui, par son attitude et ses conseils, parvint à rendre tolérable et presque facile le séjour de Vif-Argent à la cour. À dater du moment où le comte de Broissac en avait été banni, Jean fut définitivement accepté par les autres pages. S'ils ne poussèrent pas l'oubli de ce qu'ils appelaient leur dignité jusqu'à se lier étroitement avec lui, ils abjurèrent du moins tout sentiment d'hostilité pour ne plus voir en lui que l'excellent camarade qu'il était réellement et dont, même à leur insu, la supériorité leur imposait. Quant à Julien de Montbazin, très sincèrement, sans s'expliquer pourquoi ni comment, il s'était laissé prendre. Au bout d'un an, il devenait le meilleur ami de Jean, dont il subissait positivement l'influence, quoiqu'il eût au moins 18 ans de plus que son compagnon. Puis arriva l'âge où il ne pouvait plus réglementairement faire partie ni l'un ni l'autre des pages de Sa Majesté. Pour le jeune comte, cela alla tout seul. Il fut nommé d'emblée cornette au chevau léger du roi. Il n'en fut pas de même pour Jean Michaud. Fleury, qui n'avait pas perdu de vue son protégé, savait de quel tiraillement et de quel déboire le pauvre garçon avait été victime. Il commençait à comprendre que Philippe d'Orléans avait eu raison en ne signant qu'à contre-cœur le brevet du jeune page et en déclinant toute la responsabilité de cette nomination. Sans doute Jean s'était heureusement tiré de ce pas difficile, mais en serait-il de même si l'on destinait cet enfant à la carrière des armes? Les sourdes inimitiés qu'il avait rencontrées dès son début dans la vie n'éclaterait-elle pas plus violente quand on lui ferait endosser la casaque du soldat? Lutter contre cet injuste parti pris, n'était-ce pas préparer au bouillant officier une série de duels, d'où résulterait pour lui une mort à peu près certaine? Ainsi pensait le cardinal. Aussi, sachant quelle affection idolâtre Michaud professait pour son fils, poussé lui-même par l'intérêt profond que ce jeune homme avait fini par lui inspirer, Fleury ne voulut pas l'exposer aux dangereuses humiliations qui lui étaient réservées. Il fit venir Michaud, lui communiqua ses craintes et lui persuada sans peine qu'il valait beaucoup mieux lancer son enfant dans la finance. Avec son intelligence et la fortune dont disposait son père, Jean pouvait aspirer sans témérité à devenir contrôleur, intendant et même superintendant des finances. Michaud, que les craintes du cardinal l'avaient fait frissonner de terreur, se rendit à tant de bonnes raisons. Il ne demandait pas mieux d'ailleurs et préférait de beaucoup à celle des armes la carrière des finances qui ne présentait aucun danger. Seulement, il n'oserait jamais annoncer à son fils, dont il connaissait les goûts, la résolution qu'il avait prise. Ce fut le cardinal qui s'en chargea. Usant de tous les ménagements possibles, il raconta à Jean la conversation qu'il avait eue avec son père. avec une docilité qui n'était pas exempte d'une visible amertume, Jean se soumit à son tour, sans hasarder une observation. 8 jours après, il était attaché au secrétariat du ministère des Finances et prenait possession de son nouveau poste. Pendant 1 an, avec un courage réellement digne d'éloge, il essaya de se familiariser avec les rouages de l'administration et pâlit sur les chiffres fabuleux dont on lui soumettait le contrôle. Ce fut en vain. Son incontestable intelligence se cabrait devant ce travail ingrat. Son corps, habitué maintenant aux exercices violents, ne pouvait se résoudre à demeurer assis toute une journée sur un rond de cuir. Il comprit que cette carrière lui serait inexorablement fermée. Mais n'osant pas rompre en visière à son père qu'il aimait tant, ni au cardinal qui avait été pour lui si paternellement bon, Jean ne se révolta pas ouvertement. Il se contenta d'aller moins régulièrement au ministère, reprit ses habitudes d'autrefois, s'acheta des chevaux, fit venir chez lui un maître d'escrime pour s'entretenir la main, et essaya de vaincre à force d'activité la tristesse insurmontable qui s'emparait de lui. Nous l'avons vu, rien n'avait pu triompher de cette tristesse. Elle aurait abouti peut-être à une véritable maladie, si le jeune comte de Montbazin ne l'avait pas fait sortir de sa torpeur, et si le hasard ne l'avait pas mis tout à coup en présence de celle dont le souvenir était, depuis 6 mois, si profondément gravé dans son cœur. Tandis qu'il trottait silencieusement derrière la chaise qui emportait vers le château de Neuville la blonde enfant devant laquelle il allait se trouver tout à l'heure. Tout son être palpitait d'une fièvre inconnue, à la pensée qu'il était là pour la protéger. Il rêvait de combats épiques. L'ardente vocation qui le poussait vers la carrière de soldat se réveillait en lui plus impétueuse que jamais. Il se sentait de force à accomplir des miracles pour arracher André au danger dont elle était menacée. Cependant, rien ne faisait présager la moindre bataille. Le jeune comte de Montbazin, qui s'était rendu bien avant l'heure à l'hôtel de la baronne, en avait soigneusement fouillé les abords et n'avait rien remarqué d'inquiétant. Sur la route qu'il suivait, aucun bruit alarmant ne troublait le silence de la nuit profonde. Aussi Jean fut-il, pour ainsi dire, déçu dans ses espérances belliqueuses quand, vers 10h30, la chaise de poste pénétra sans encombre dans la cour du château de Neuville, dont la porte massive se referma derrière lui.